Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et nous allons apprendre aujourd'hui le verbe acheter, which I thought would be a great verb to buy as we're getting closer to the holidays, and the things that allow you to point at things or people in language, the demonstrative adjective ce, cette, c'est. Let's start with acheter. Acheter is very easy. It's an ER verb. The only problem is adding the accent grave on the second E where you can. So listen carefully. And every time I say achète, then you've got a accent grave on that second E. Let's conjugate it first. J'achète. Tu achètes. Il achète. Nous achetons. Vous achetez, ils achètent. So where did accent grave go? Je, tu, il singulier, and of course, il pluriel. So, what are you buying today? Now, we are going to be able to point out at people and things with ce, cette, and c'est. Ce, this, set, this, c'est, these. Are you ready? Let's start with that first of all, and then we'll bring acheter. Cette chaise est confortable. Is this chair comfortable? Cette chaise est confortable. Oui, cette chaise est confortable. Et ce sofa est très confortable. Et cette lampe, de quelle couleur est cette lampe? Be careful that set would be written C-E-T-T-E. Cette lampe est grise. Et cet étudiant, il est content? Cet étudiant will be written C-E-T because étudiant is masculine and it begins with a vowel sound. Cet étudiant est très content. Now, we're going to do something very simple. First, I'm going to give you a word and I want you to tell me what would you say in front of it. Ce, cet, or c'est. So if I say livre, you say ce livre. Papier, ce papier. Crayon, ce crayon. Chaise, with an S at the end. What would you say? Yeah, you got it. Ces chaises. Trombone, with an S at the end. What would you say? Ces trombones. Good job. So, you got that. Now, let's see if we can do this one and that one. Tu préfères ce fauteuil-ci ou ce fauteuil-là? Do you prefer this armchair or that armchair? Je préfère ce fauteuil-ci. Tu préfères cette lampe-ci ou cette lampe-là? Je préfère cette lampe-là. Tu préfères ces sandwichs-ci ou ces gros sandwichs-là? Je préfère ces sandwichs-ci. Tu préfères ce professeur-ci ou ce professeur-là? Je préfère ce professeur-là. Now, all is fair. How about tu préfères cet étudiant-ci ou cet étudiant-là? Okay, we've got the ce, set, and say down. Now let's combine that with acheter. And let me give you a few questions so you can give me your choices. Tu achètes ce fauteuil gris or ce fauteuil blanc? Tu achètes ce fauteuil gris ou ce fauteuil blanc? J'achète ce fauteuil gris. tu achètes ces CD ou ces cassettes. Quelle idée! J'achète ces CD, bien sûr. Of course, I'm going to buy these CDs. Vous achetez ces sacs ou ces serviettes. Nous achetons ces serviettes. And finally, here is your last choice for the day. Les étudiants achètent ce café chaud ou ce café glacé. Do students buy this hot cup of coffee or this iced cup of coffee? So, what do you think? Les étudiants achètent ce café chaud. Il fait un peu froid en ce moment. So, that's true. Bit cold these days. We'll see what the weather will be like. Quel temps est-ce qu'il fera? Or rather, quel temps va-t-il faire demain? Well, we'll find out. Until then, à demain. Thank you.